Selon Yonhap News, le rassemblement des citadins pour notre école et nos enfants de Corée du Sud a accordé le 30 décembre 2016 la 100e conférence de presse devant l'ambassade japonaise en Corée du Sud pour revendiquer aux autorités japonaises d'abandonner la politique de discrimination à l'égard des écoles coréennes au Japon. Ils ont dénoncé que le gouvernement sud-coréen aussi reste muet devant la discrimination contre les écoles coréennes au Japon, mais au contraire collabore en fait avec la pression et la politique de discrimination des autorités japonaises par la contrainte pour changer la nationalité, etc.